Chapitre 2e. Du tour que joua l'enchaîneur Spavento et de l'apparition de la fée Flamèche. Un grand feu brûlait dans la cheminée de la cabane. Dans ce feu se consumait un monceau d'étoffe qui accusait les formes d'une personne pelotonnée en boule, et si l'on eût pu se voir qu'il y avait un corps là-dessous, un pied qui passait l'eût assez fait comprendre. Au milieu de la chambre était étendue une femme vêtue de riches habits. Un magicien, avec sa grande robe et son bonnet pointu, était agenouillé auprès d'elle. La tête de la femme était fendue, et un gros marteau posé sur le plancher montrait assez comment ce malheur était arrivé. Le magicien tenait dans sa bouche un tuyau flexible, dont l'autre bout plongeait par l'ouverture dans la tête de la femme. Après avoir aspiré un instant, il introduisit vivement le tuyau dans une bouteille qu'il tenait renversée. Il pressa de sa main libre la tête qui pendait inerte, puis le tuyau d'un bout à l'autre, le retira de la bouteille et boucha celle-ci avec soin. « Là !» fit-il, et il se releva en ramassant ses outils. Il regarda du côté de la fenêtre contre laquelle le prince tambourinait avec rage et fit un geste qui voulait dire « Un instant donc !» Après quoi il fit entendre un coup de sifflet. À ce bruit, le toit s'ouvrit. Un des dragons attelés au char passa sa tête par le trou, son cou s'allongea démesurément. Il prit l'enchanteur par la ceinture et l'enleva. Poltronnet, en le voyant partir avec sa proie, poussa un cri de fureur et Dondin, à qui cette retraite donnait de nouvelles forces, appliqua un violent coup sur la vitre. Le carreau s'enfonça et le bras passa au travers. Le prince introduisit son bras par l'ouverture, leva le loquet, poussa la croisée et sauta dans la chambre. Dondin le suivit. Le premier soin de Poltronnet fut de courir à la dame qui gisait toujours sur le plancher. Il lui releva la tête pour lui faire respirer des selles, et en la voyant en face, « Grand Dieu ! » cria-t-il, « c'est elle !»« Qui ? » fit Dondin. « Elle, la princesse Fleur d'Esprit !» Au bout d'un instant, la princesse, ranimée par les soins du prince, ouvrit les yeux et les promena autour d'elle d'un air égaré. Poltronnet lui parla, lui disant les choses les plus propres à la rappeler à la vie, quand il fut arraché à cette occupation par une exclamation de son écuyer. « Oh !» disait Dondin d'une voix sourde. « Oh !» et il étendit la main dans la direction de la cheminée. Poltronnet regarda. Le paquet qu'il avait vu dans le feu était complètement consumé. La flamme dansait, pétillait, se tordait, et le prince allait reporter ses yeux sur la princesse, lorsqu'en regardant mieux, il vit les flammes prendre une forme distincte et s'arranger de manière à représenter une dame en robe rouge qui se tenait debout au milieu du foyer. « Pardon, madame, » dit Poltronnet, qui ne songeait qu'à une seule chose, « il faut d'abord que je m'occupe de secourir cette princesse infortunée. »« Faites, » dit la dame. Justement, en ce moment, la princesse allongeait les bras et remuait les lèvres. « Oh là là !» fit-elle. « Remettez-vous, chère princesse, » dit Poltronnet, en lui appliquant sur la tête un baume que sa mère lui avait donné et qui avait la vertu de refermer les blessures. « Le danger est passé, et vous n'avez près de vous qu'un prince qui vous adore. »« Bah, bah, bah !» dit Fleur d'Esprit d'une voix mélodieuse, en essayant d'attraper la plume qui pendait sur le front du prince. « Monsieur, » dit l'écuyer, « il faut que vous vous trompiez ou que la princesse Fleur d'Esprit ne soit pas si spirituelle qu'on vous l'assurait. Ce qu'elle dit là n'est pas très drôle. » Poltronnet se livrait à son étonnement en regardant la princesse qui s'amusait maintenant à faire tourner la molette d'un de ses éperons quand il fut tiré de sa rêverie douloureuse par une voix partant de la cheminée. « Prince Poltronnet, » disait cette voix, « tu ne t'es pas trompé. C'est bien là la princesse Fleur d'Esprit, celle dont la renommée a porté par tout le monde la réputation d'esprit et de savoir. Mais elle vient de perdre ce qui l'a rendue si célèbre. Le méchant enchanteur Spavento lui a volé son esprit. « Et qu'en veut-il faire ? » dit le prince. « Il a une fille belle comme le jour, mais sotte comme un panier, et il veut la rendre accomplie en lui donnant ce qu'il vient de prendre à Fleur d'Esprit. »« Il fallait l'en empêcher, » dit Poltronnet avec quelque aigreur. « Vous qui êtes fée à ce qu'il me paraît, vous pourriez bien prendre fait et cause pour une si aimable princesse. »« Je suis en effet la fée Flamèche, » dit la dame de la cheminée, « mais hélas, je ne suis pas très puissante, et je ne jouis pas souvent ni longtemps du peu de pouvoir que j'ai. » Ainsi, reprit Poltronet. Il ne vous est pas possible de me servir de guide pour retrouver ce larron et pour lui reprendre ce qu'il a volé. Non. Sitôt que ce feu sera éteint, mon pouvoir de fée s'éteindra avec lui. Je redeviendrai ce que j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire la nourrice de cette belle jeune fille. Alors je ne me souviendrai plus de rien, et pour redevenir ce que tu me vois en ce moment, il faudrait que je fusse de nouveau brûlée vive. Aussi, je vais profiter du peu de temps qui me reste pour t'indiquer les moyens d'arriver par toi-même au but que tu désires. Je lis dans ton cœur que tu n'auras pas de repos avant d'avoir rendu à celle que tu aimes l'esprit que tu espérais trouver en elle, et que pour y parvenir, tu ne craindrais pas d'affronter les plus grands dangers. Je ne dis pas que je n'aurais pas peur, dit Poltronet, mais j'aurais encore bien plus peur de mourir de chagrin si la charmante fleur d'esprit reste privée de ce qui faisait son plus bel ornement. Parlez donc. L'enchanteur Spavento, continua la fée, demeure dans une caverne près des sources de l'Indus. Pour arriver là, tu auras bien des pays à traverser, bien des dangers à courir. J'en triompherai, s'écria le prince avec enthousiasme. Je le souhaite et je l'espère, grâce aux moyens que je puis te fournir. Tu iras dans la forêt voisine. Là, tu rechercheras un grand chêne découronné par la foudre. Quand tu l'auras trouvé, tu y grimperas, jusqu'à ce que tu y rencontres une étroite ouverture qui traverse le tronc de part en part. Tu appliqueras ton œil au trou et tu verras un rocher situé précisément en face. Tu le regarderas attentivement pour le reconnaître et tu iras ensuite juste à l'endroit que tu auras vu. Tu frapperas à la porte trois fois en disant « Au nom de celle qui vit dans la flamme, ouvre-toi ». Le rocher tournera sur sa base, tu descendras un escalier de 100 marches et tu trouveras un cheval, un sabre, un arc et des flèches. Le cheval se nomme Agib, et il viendra quand tu l'appelleras par son nom. Je l'ai animé d'un souffle immortel et doué d'une rapidité que rien n'égale. L'épée s'appelle Flamme d'acier. Je l'ai trempée moi-même et elle coupe tout ce qu'elle touche. Quant à l'arc et aux flèches, qui sont aussi mon ouvrage, ils ne manquent jamais leur but. Tu te souviendras. Oui, madame, fit le prince. Adieu maintenant, dit la fée, dont la voix s'affaiblissait. Bonne chance. Encore un mot, dit Poltronet, qui aurait voulu en savoir davantage. Mais la fée ne répondit pas. La flamme jaillissait plus rare des tisons rouges, et la forme, distincte tout à l'heure, s'effaçait graduellement. Une dernière lueur s'élança du foyer, et une voix à peine perceptible fit entendre ces mots. « Souviens-toi !» La lueur s'éteignit, les tisons noircirent, et sur le foyer qui redevenait obscur, reparut le monceau de robes et de jupes que Poltronet avait vu en entrant. Le paquet soupira, puis remua, et une vieille femme se redressa, regardant autour d'elle comme si elle sortait d'un long évanouissement. « Que s'est-il passé ? Ah, je me souviens. » Et elle courut vers la princesse, qui pendant toute cette scène n'avait pas donné le moindre signe d'intelligence et regardait curieusement voler une mouche. « Ma pauvre chère fille, dit la vieille, que t'est-il arrivé ? Et vous ? Ajouta-t-elle en se tournant vers les deux étrangers. Qui êtes-vous ? Venez-vous ici pour nous faire du mal ? Vous savez bien que non, fit Dondin. Et comment le saurais-je ? Attendez que je me souvienne. Et peu à peu, elle parvint à se rappeler ce qui s'était passé. Comment elle était là, près de sa chère princesse, qui avait bien voulu venir la visiter dans sa cabane. Comment le toit s'était entrouvert, livrant passage à un vilain homme qui s'était précipité sur Fleur d'Esprit. Comment elle, la nourrice, avait voulu la défendre et comment, pour sa peine, elle avait été saisie par le magicien et précipitée dans le feu. À partir de ce moment, elle ne savait plus rien. Le prince lui expliqua à son tour ce qu'avait fait l'enchanteur et comment la princesse la plus spirituelle du monde en était devenue la plus idiote. Comme il s'étonnait, malgré ce qu'avait dit la fée, de voir la métamorphose de la nourrice si complète, « Monsieur, lui dit l'écuyer à l'oreille, en prenant un air malin, « voulez-vous que je lui rafraîchisse la mémoire ?»« Comment ? » dit Poltronet. « En mettant un peu de bois dans la cheminée. »« Fille, dit le prince, ce serait une vilaine action. Si cette bonne femme ne peut rien pour me protéger, je me suffirai à moi-même. » Il s'agissait avant tout de reconduire la princesse chez son père. On la plaça sur le cheval de Poltronet, qui voulut marcher à côté d'elle. Dondin prit le cheval par la bride. La nourrice, encore sous le poids d'une faiblesse bien naturelle chez une femme qui venait d'être brûlée vive, monta sur le cheval de Dondin, et l'on alla ainsi, le prince rêvant, l'écuyer ronflant, la nourrice geignant, et Fleur d'Esprit s'amusant à chantonner des chansons dont elle ne disait jamais que les premiers mots, et à faire siffler une baguette qu'elle tenait à la main.